Leçon 2. Activité 2 et 3, page 56. Piste 41. Tiens, Sam, tu joues au ping-pong. Oui, c'est bon pour les yeux et les mains. C'est vrai. Et toi, tu fais de la natation? Oui, je joue au football aussi. C'est bien, le football renforce les jambes. Exact.